midi 55 minutes. Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler en langue française, dont voici les principaux titres. Le torchon brille au sein du groupe politique dirigé par Charles Ndithijé. Bonaventure Gasoutou a dit que ce groupe ne répondra pas à l'appel du facilitateur pour le briefing de lundi prochain, alors que Tassien Sibomana estime que ne pas aller à ce rendez-vous n'est pas une solution en soi. Et ces Rwandais sont dans les mains de la police de Kayanza. Depuis ce vendredi, ils ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à faire traverser au Rwanda une tonne de coltan. Et le collectif des victimes de la crise de 72 demande aux auteurs des atrocités de cette période de se repentir et de demander pardon pour se réconcilier avec les familles des victimes. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, le groupe politique dirigé par Charles Ndithijé annonce qu'il ne va pas répondre à l'appel du facilitateur Benjamin Mukapa pour le briefing prévu le 16 janvier à Arusha. Bonaventure Gasoutou, membre de ce groupe, dit que les propos tenus par Tassien Sibomana, qui fait fonction de porte-parole de ce groupe, n'engagent que lui, on l'écoute. Le président de notre organisation politique, Charles Ndithijé, s'est déjà exprimé. Il a dit que nous ne pouvons pas participer dans ces négociations tant que Mukapa est facilitateur. Parce qu'il a déjà montré qu'il penche du côté du gouvernement. Le facilitateur devait être au milieu. S'il considère que les opposants au pouvoir en place sont détraqués mentaux, s'il considère que ne devait s'occuper que de la préparation des élections de 2020, s'il considère que le troisième mandat du président Nkurunziza est légitime, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a d'objet de négociation. Donc, d'après nous, il n'y a pas lieu de répondre à ces invitations. C'est la raison pour laquelle nous voudrions démentir Tassien Sibomana qui prétend nous représenter. Il ne peut pas nous représenter tant que nous ne l'avons pas délégué. C'est la raison pour laquelle nous voudrions dénoncer cette attitude et dire que c'est une trahison pure et simple qu'ils sont en train de manifester. Comme d'ailleurs, ils l'ont fait l'année dernière, au mois de mai. Ils sont partis en catimini alors que nous avions tenu une réunion pour dire que nous ne pouvons pas répondre à une invitation de la facilitation tant qu'il ne fait pas appel à tous les membres de l'opposition. Aujourd'hui, c'est une récidive de Tassien Sibomana et de M. Evariste Ngayimbenda. C'est une récidive inacceptable. Alors, opter pour la chaise vide, quelle est la valeur ajoutée de cela? Ce n'est pas la chaise vide que nous pratiquons, c'est plutôt le réalisme. Nous ne pouvons pas entrer dans une entreprise dans laquelle nous voyons très bien que c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. C'était Bonaventure Gasoutou, membre du groupe politique dirigé par Charles Ndithijé. Pour rappel, Tassien Sibomana avait dit ce jeudi que ne pas répondre à l'appel du facilitateur suite aux propos tenus dernièrement à Bujumbura au terme de sa visite n'est pas en soi une solution à la crise burundaise. Sur la page Droits de l'homme, le collectif des survivants et victimes de la crise de 1972 interpelle les auteurs des atrocités de cette période à se repentir et a demandé pardon pour se réconcilier avec les familles des victimes. François-Xavier Sabimana, qui fait cet appel, demande au gouvernement de protéger les restes des victimes de 1972 découverts la semaine dernière en zone Makamba de la commune Rusaka. Nous sommes en province Mwaro. On l'écoute. Cette information est tombée au moment où nous étions en train de préparer la commémoration des massacres de 72 qui sera célébrée le 29 avril prochain. Et nous profitons de cette occasion pour demander aux habitants de cette localité de la zone Makamba, en commune Rusaka, dans la province de Mwaro, de rester sereins et patients parce que nous avons patienté pendant 45 ans pour que justice soit faite. Nous profitons également de cette occasion pour demander à l'État du Burundi de conserver bien ces restes de corps des nôtres qui ont été assassinés durant cette période, parce que nous souhaitons construire un mémorial au niveau national où nous allons enterrer dans la dignité ces restes de corps des nôtres massacrés en 1972. C'est une bonne opportunité pour moi de demander au bourreau de se repentir et de demander pardon à leurs victimes pour que le Burundi soit réconcilié avec lui-même afin de ne pas continuer de vivre une violence. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro et partout dans le pays. Cet Rwandais et en Burundais sont dans les mains de la police à Kayanza depuis la petite matinée de ce vendredi. Ils ont été arrêtés avec plus d'une tonne de coltan en provenance de la commune Kabarore. Nous sommes en province Kayanza pour les vendre frauduleusement au Rwanda voisin. Le point avec Apollinaire Muzagara. Selon des informations émanant de Kabarore, ces quantités de coltan pesant 1070 kg provenaient de Kiziba, en commune Kabarore de la province Kayanza. Les minéraux ont été saisis alors qu'ils arrivaient à la rivière Mongere, juste à la frontière burundo-rwandaise, à destination de ce pays voisin du nord du Burundi. Les mêmes sources précisent que ce coltan devrait être acheminé à Gisenyi, dans le district Nyaruguru, en province du sud du Rwanda. Cette opération de saisie est rendue possible grâce à la bonne collaboration des forces de défense nationale burundi et la population de cette localité, selon les mêmes sources d'information. Les petits Rwandais en Burundais sont déjà arrêtés pour la poursuite des investigations. Nous avons tenté de contacter le gouverneur de la province Kayanza et l'administrateur de la commune Kabarore sans succès. Et le commissaire provincial de la province Kayanza n'a pas voulu s'exprimer, arguant que les porte-paroles sont en cours de route à destination de cette province. Vous saurez que le coût de ce coltan est estimé à près de 70 millions de francs. Le Kayanza, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Apollinaire Muzagara. Sur la page économie, l'assiette de l'impôt locatif n'a pas été revue en hausse, et bien que cet impôt sera désormais perçu par l'Office burundais des recettes plutôt que les agents de la mairie et des communes. Le porte-parole du ministère des Finances explique que le recouvrement de cet impôt a été confié à l'OBR à cause des fraudes et corruptions observées chez certains des agents de la mairie. Suivez Désiré Mouchalit, c'est le porte-parole du ministère des Finances. C'était au cours d'un café de presse de ce jeudi. L'impôt locatif est rapatrié au niveau de l'OBR pour juste le recouvrement. C'est-à-dire les taux, l'assiette, elle reste la même. Donc, ce qui va être amélioré, c'est le recouvrement. Et nous pensons qu'il y avait beaucoup. La motivation principale pour rapatrier cette perception de l'impôt, c'était plus liée aux fraudes, à la corruption des agents, des communes, aussi de la mairie. Parce que si on regarde les revenus annuels qui tirent dans cet impôt, ils sont trop minimes par rapport aux revenus dont ils tirent de l'allocation de ces maisons. Donc, cette mesure va améliorer plus les ressources pour ces communes-là, puisqu'ils vont avoir 60%, et il y a un coût de collecte qui représente 40% qui va rentrer dans le trésor public. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'imposition nouvelle pour l'impôt locatif, il n'y a pas d'augmentation de taux ni d'assiette, donc c'est plus l'amélioration de la collecte de cette recette. Le manque de courant électrique s'observe de temps en temps dans la ville de Ruigi, au point que les habitants de cette ville ne peuvent pas en bénéficier en aucun jour dans son entièreté. Certains professionnels des métiers qui nécessitent l'électricité craignent pour leur survie et demandent à la régie des eaux de débloquer la situation. Les détails avec Jean-Claude Chimiliman. À titre d'exemple, la ville de Ruigi n'a connu aucune nuit éclairée dans les deux dernières journées successives au moment où l'alimentation en électricité a été interrompue pendant de longs moments le jour. Mis à part la grogne des habitants de cette ville, d'une façon générale, ceux avec qui nous sommes entretenus parmi ceux qui exercent des métiers qui nécessitent l'électricité disent que la régie des eaux leur empêche de fait de travailler pour gagner la vie. Les soudeurs et les coiffeurs qui sont payés par tâche disent qu'ils ont de plus en plus actuellement du mal à avoir l'argent pour faire vivre leur famille, puisqu'ils passent de leur moment sans travailler faute de courant électrique. Certains parmi ceux qui travaillent dans des secrétariats publics se plaignent qu'ils risquent de perdre de boulot puisque les recettes encaissées sont actuellement dérisoires. Les uns et les autres demandent à la régie des eaux de tout faire afin de trouver solution à ce problème qui menace leur survie. Selon des informations recueillies à l'antenne de la régie des eaux Ruigi, le délestage électrique est à l'origine des interruptions de fourniture du courant observées dans cette ville. Jean-Claude Nchimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude. Plus d'un millier d'engins de pêche prohibés au Burundi, constitués de filets et de moustiquaires, ont été brûlés à la plage de pêche de Rumonge dans l'après-midi de ce jeudi. C'était après la présentation du bilan des réalisations de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Un bilan que le président de cette fédération qualifie de largement positif et surtout dans ce volet. Le point avec Jean-Pierre Misago. 1180 engins de pêche prohibés au Burundi, constitués de 37 filets maillants encerclant, 657 moustiquaires, 18 scènes de plage, 468 filets maillants monofilaments sont les engins incendiés au port de pêche de Rumonge l'après-midi de ce jeudi. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, informe que ces engins qui détruisent la faune aquatique ou accélèrent l'altération de la qualité du poisson pêché ont été saisis aux plages de pêche de Nyanzalak, de Muguruka, Minago et Nyaruhongoka durant les trois derniers mois de l'année 2016. Selon le bilan de réalisation de cette fédération au cours de l'année écoulée, plus de 6 000 des 11 823 engins détruits depuis le lancement de cette campagne au Burundi en décembre 2011 ont été saisis en 2016. Gabriel Butoyi regrette cependant que la République démocratique du Congo ne progresse pas dans cette campagne et appelle l'autorité du lac Tanganyika d'agir via les responsables congolais de la pêche. Il informe également que certaines autorités burundaises, propriétaires de tels engins, intimident les membres des comités des pêcheurs quand leurs engins sont saisis. Gabriel Butoyi se réjouit tout de même que la nouvelle loi sur la pêche est promulguée depuis le 30 novembre 2016 et espère que ce combat se fera avec plus de facilité. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le reporter de ce vendredi, c'est Madame Mireille Kanyang qui nous conduit en commune Rugombo de la province Chibitoke où le manque d'eau potable est à l'origine de la propagation du choléra. L'administration a été poussée à fermer certains restaurants et pâtisseries du centre par manque d'hygiène pour éviter que des chiffres de malades continuent à augmenter. Le manque d'eau en commune Rugombo de la province Chibitoke, c'est à l'ouest du Burundi, est source de choléra, comme l'explique cette femme de la localité, trouvée sur la rivière Nyakagunda, en train de puiser de l'eau. Nous puisons cette eau pour pouvoir laver, cuire. Des fois, l'on manque l'eau de robinet. Nous sommes alors obligés de boire cette eau. On la met sur le feu et la laisse bouillir parce qu'on nous a dit qu'après cela, il n'y a plus de microbes dedans. Ce manque d'eau et d'hygiène a poussé l'administrateur de la commune Rugombo à fermer les restaurants et pâtisseries au chef-lieu de cette commune. Béatrice Kaderi, c'est l'administrateur de Rugombo. La mesure de fermer les restaurants a été prise pour voir si quand même les cas de choléra peuvent diminuer. Et nous voyons pour le moment que ces cas sont en train de diminuer. Dans les restaurants, dans les pâtisseries et même dans les ménages, on utilise des eaux de rivière. Ces eaux sont vraiment sales. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure en attendant et en sensibilisant les gens qu'il faut utiliser l'eau de robinet, l'eau de la régie des eaux. Ce propriétaire de restaurant dit être surpris par cette fermeture, arguant que son resto était pourtant propre. Nous venons de passer des jours sans travailler. Un matin, l'administrateur est venu pour nous dire de fermer nos restaurants parce qu'il y avait des maladies. Mais d'habitude, ici à Rugombo, nous faisons de notre mieux pour rester propre. Nous avons beaucoup de visiteurs, Ougandais, Tanzaniens et autres. Quand l'administrateur nous a intimé l'ordre de fermer, nous sommes rentrés calmement à la maison. Aujourd'hui, mes enfants qui sont à la maison vont mal. Ils n'ont plus rien à manger. Ceux qui exercent différents métiers au chef-lieu de Rugombo et qui ne trouvent pas de restaurant se plaignent. Tous les restaurants ont été fermés. Aucun restaurant ne fonctionne. Aucun bar n'est ouvert parce qu'il y a l'épidémie du choléra. Actuellement, un célibataire n'a pas où trouver de quoi manger. Donc, s'il ne trouve pas à manger à la maison, il va mourir de faim parce que tous les restaurants sont fermés. Certains parmi ceux qui se sont procurés des tanks d'eau et qui vendent de l'eau par après dans des bidons expliquent qu'ils ont été obligés de les fermer suite à cette mesure de l'administration. Ce responsable communal indique que ces restaurants et pâtisseries pourront rouvrir aussitôt que le choléra diminue. Béatrice Kaderi fait savoir que la Régie des eaux se penche déjà sur la question de manque d'eau. Les autorités de la Régie des eaux savent ce problème et je pense qu'ils sont en train de travailler en conséquence pour qu'on ait aussi cette eau. Nous avons entendu qu'il y a une équipe qui a été envoyée à la source pour voir si on peut augmenter l'eau. Ces activités vont reprendre bientôt après avoir vu que ces cas sont en train de diminuer. Au centre de santé de Rugombo, 18 malades y sont alités jusque ce mercredi et ils sont assistés par les Médecins sans frontières. Selon le responsable de ce centre de santé de Rugombo, 159 cas de choléra ont été accueillis depuis le 31 décembre dernier, mais 141 sont rentrés chez eux. Du chef-lieu de la commune Rugombo en province Cibitoke, Mireille Kanyange pour la radio Isanganiro. Nous disons merci à Mireille Kanyange pour ce reportage et c'est sur ce que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le torchon brille au sein du groupe politique dirigé par Charles Nditijé. Bonaventure Gasutoa dit que ce groupe ne répondra pas à l'appel du facilitateur pour le briefing de lundi prochain, alors que Tassien Sibomana estimait que ne pas aller à ce rendez-vous n'est pas une solution en soi. Ces Rwandais et en Burundais sont dans les mains de la police de Kayanza depuis ce vendredi. Ils ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à faire traverser au Rwanda plus d'une tonne de coltan. Et le collectif des victimes de la crise de 72 demande aux auteurs des atrocités de cette période de se repentir et de demander pardon pour se réconcilier avec les familles des victimes. Et voilà, à 13h13, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.